ciel bleu. Maintenant je viens de me rendre compte qu'aujourd'hui ça te va vraiment bien. La chanson que tu ferais donc tous les jours, oh, ça me fait quelque chose. Je le sens en moi, je suis sur point. Je suis sûre.